À tous les amateurs de Mac qui nous ont rejoints. Juste avant le show, on avait décidé de danser pendant 15 secondes parce qu'on n'a pas le setup pour mettre la chanson. Fait qu'on voulait vous faire la blague de danser dans le bar. Est-ce qu'on m'entend bien dans le chat actuellement? Bonjour. Oui. Excellent. Oui. Donc, on va commencer en fait sur les chapeaux de roue, en disant premièrement qu'on n'est pas du tout affilié à Chevrolet, puis qu'on est très déçu que ce ne soit pas notre publicité vocal qui soit au début du podcast. On l'aime bien, cette publicité vocal avec le gars qui parle en arrière, des belles images, tout ça, c'était très inspirant. Là, c'était juste une publicité de gros char américain, donc c'était pas super intéressant. Mais avec moi ce soir, il y a Jean-François qui vient de s'en aller. Je suis là. OK. je me trouvais sale à l'écran, fait que j'ai lavé ma caméra. Oh, OK, c'est bon. Donc Jean-François qui est avec nous, ça va bien Jean-François? Oui, toi? Oui, t'as passé une bonne semaine? Oui. Oui, tu t'es bien remis du whack? Oh que oui! Excellent. Le what? Le whack. Le whack. Le web à Québec où on était en fait la semaine passée pour ceux qui ne nous ont pas attrapés. Est-ce que t'as un coup d'os ou un coup de dose ou les deux, Jean-François, cette semaine? Ben, c'est... c'est plus un coup de dose. C'est... Microsoft ont sorti leur Windows 8 Consumer Preview. Ouais. Et l'icône de la prochaine version de Windows, pour moi, je m'excuse, là, ça fait Windows 3.1 puis quelque chose de rare, là. C'est les quatre fenêtres bleues, là? Ah, c'est l'enfer. C'est laid, là. C'est comme... je sais pas... Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas quel brainstorming qu'ils ont fait pour faire cette icône-là, là, mais c'est vraiment laid. Là, ils ont mis-tu comme en fond d'écran, puis tout, là? Ils ont voulu l'épurer, puis ils ont raté leur coup, là, clairement. Ça a dû coûter comme une centaine de milliers de dollars faire ça, là. Probablement. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'était ça, mon petit coup de 12. Tu sais que l'affaire de Kudos et Coup de 12 a été instaurée pour parler de choses extérieures. On peut sortir un peu plus de ça. On voulait parler en fait de technologie, pas nécessairement de Mac avec le Coup de 12, mais on peut sortir encore plus de ça et donner un coup de 12 à nos Canadiens qui sont en train de. Qui avaient une avance en fait de 4 à 2 puis à 4 minutes de la fin de la troisième période. 9 secondes. En train de se faire torcher. 9 secondes de la fin, c'était rendu 4 à 4. Bravo, les gars. C'est effrayant. À ma gauche, à droite, il y a Vincent Miller. Ça va bien, Vincent? Ça va bien, toi, Alexis? Oui, merci beaucoup. Passe une bonne semaine. Oui, une très bonne semaine. Excellent. Comment va ton char? Ça, c'est le coup de la merde. T'as-tu un coup d'os et un coup de dose? J'ai un coup d'os, mais c'est un coup d'os qui date d'un certain temps. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'application, puis... J'ai découvert cette application-là cette semaine, puis j'adore. D'abord, je vais vous mettre brièvement en situation. Mon père est américain, donc il habite aux États-Unis. Il habite au Massachusetts, puis normalement, on a à peu près 100 minutes gratuites par mois pour notre ligne téléphonique pour appeler aux États-Unis, à l'international. Puis j'ai découvert l'application Vonage, qui est V-O-N-A-G-E, qui vous permet de faire des appels, un peu comme Skype dans le temps, qui faisait des appels entre... qui le fait encore, mais maintenant c'est payant. Puis celle-là est gratuite entre un ordinateur puis je prends par exemple l'iPhone parce que c'est une application à un téléphone fixe ou à un mobile, puis c'est ça que j'ai fait. Puis au Canada puis aux États-Unis c'est gratuit, donc je vous conseille fortement de l'utiliser. Je l'ai utilisé 3-4 fois depuis que je l'ai découvert, puis ça fonctionne très bien, donc je la conseille à tous. Puis les frais associés à ça pour au niveau de l'international, j'ai essayé d'appeler par exemple en Norvège, puis c'est 2,7 sous la minute, qui est vraiment pas beaucoup. D'habitude, c'est 5 ou 7 sous par minute au moins. Donc, Donc c'est ça. Je suis assez content d'avoir découvert ça. Je vais mettre le lien dans les notes de l'émission à la fin, là, s'il y en a qui ne la connaissent pas. Donc, Vonage, qui est gratuit. Est-ce que c'est une application pour iOS ou c'est une application pour l'ordinateur? iOS, c'est pour l'iPhone. OK. Mm. Donc, ouais. Il y a Dell Voice aussi qui est sorti il y a quelques semaines. Ouais. Ça se peut. C'est un peu la même chose. Mm. Oui. Moi, j'ai un numéro 438. Oui, dans Dell Voice, en fait. Ben, il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi qui n'ont pas de numéro pantoute, comme M. Ducharme. Là. C'est comme. Le numéro par défaut dans Dell Voice, en fait, s'il vous donne Montréal, ça vous donne 438. Mais si vous changez de. Si vous dites pour le Québec et vous changez de ville et vous prenez la Chine ou un autre, ça va vous donner un numéro 514. Donc, prenez-les parce que c'est des denrées. C'est des denrées rares. Ça va finir par disparaître, ces numéros-là. Pour ma part, j'ai passé une excellente semaine. J'ai pas beaucoup travaillé, par contre. Fait que j'ai eu du temps pour faire d'autres choses de super important. Fait que mon coup d'os va à la série Alcatraz de G.G. Abrams. Grosse semaine! Ouais. Non, c'est super bon. Ah ouais? Ouais, ben c'est G.G. Abrams, là, fait que ça tu sais, ça commence, t'as l'impression que c'est un bon, c'est un truc assez spécial, là. Il y a des prisonniers, quand ils ont fait, en fait, officiellement, quand ils ont fermé Alcatraz, ils ont relocalisé les prisonniers sur la Terre, mais dans la série, ils disent, c'est pas ça qui s'est passé, ils ont juste tous disparu cette nuit-là. Les prisonniers, comme les gardiens, savent pas ce qui s'est passé. Et là, on est maintenant, et des prisonniers, ils commencent à réapparaître un à un. C'est comme un par semaine. Puis évidemment, ben, c'est des prisonniers, fait que c'est des fous furieux. Là, c'était pas du monde gentil qui fraudait l'impôt, là, qui se retrouvait à Alcatraz. Fait que là, il y a une policière qui court après, puis il y a son boss qui est joué par Sam Neill. Sam Neill, c'est pour ceux d'entre vous qui ont vu Jurassic Park, là, le premier, c'est le gars qui connaît les dinosaures dans Jurassic Park. Le docteur. Oui. Ou dans The Piano, je pense. Ouais. De piano, c'est lui aussi. C'est un acteur australien, si je ne me trompe pas. Fait que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, là, mais c'est G.G. Abrams, fait que ça sonne un peu comme Lost. D'ailleurs, il y a le Josh Garcia, en tout cas, le gars qui faisait Hugo dans Lost, le gros monsieur, le gros bonhomme, qui jouait dans Lost, qui joue dans cette série-là. Et c'est très bon. Et mon coup de 12... va au Parti conservateur pour l'ensemble de leur œuvre, mais plus particulièrement pour la loi C-11 et C-30. Il y a une couple de semaines de ça, il y avait la SOPA aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de monde qui ont gueulé, autant aux États-Unis comme à l'extérieur. Là. Moi, je signais à peu près n'importe quoi comme pétition contre cette niaiserie-là. Ça n'a pas passé. Et le ACTA aussi, qui, je pense, la semaine passée s'est planté. Donc, ils l'ont renvoyé là, à se faire étudier à une place où il va rester longtemps, parce que le monde y dorme sur le bureau, genre notre Sénat. Ben là, ici, nous autres, on continue parce qu'on on est des crétins, puis on a un gouvernement majoritaire conservateur qui fait bien ce qu'il veut. Puis C-11, c'est pour le copyright, puis C-30, c'est pour... c'est pour la surveillance sur Internet, pour nous protéger des pédophiles, bien sûr, parce qu'eux autres, ils n'ont pas déjà trouvé des moyens de ne pas se faire pogner. Tu sais. En fait, c'est toujours le but quand tu veux passer une loi, tu rajoutes le fait que tu vas bloquer des pédophiles, puis qui va dire « non, je veux pas que cette loi-là passe si tu es pour arrêter des pédophiles ». C'est sûr que c'est un peu plate, puis en même temps, le monde qui, par SOPA, c'est un peu comme dans Sims, puis dans Les Simpsons, la partie Arnold Schwarzenegger qui disait « I was elected to lead, not to read », c'est ouais. Un peu pareil en ce moment. Donc, Mais tu sais, c'est bien beau, c'est drôle parce que il y a comme personne qui était si excité de ça, de courir après les pédophiles avant Internet, tu sais. Comme il y a plein de régions du Québec, là, tu sais, ben, ben trop, est-ce qu'il y a des histoires sordides qui sortent, puis tout le kit. Ça, on n'a rien fait pour ça jusqu'à maintenant. Quand il y a des poursuites, on on regarde tout ça de loin, mais là, vu que c'est sur Internet, puis que les pédophiles, on le sait, sont tous sur Internet, ben là, on passe des lois comme ça, tu sais, mais... bref. Donc, ensuite breaking de ça... Breaking news. Quoi? On vient de gagner 5-4. Bon, d'abord. Bon. Fait qu'on enlève le coup de dose aux Canadiens. Oui, exact. Non, mais eux autres aussi pour l'ensemble de leur œuvre. Donc, tu veux nous parler? By the way, ce soir, on était supposé... Bernard était censé se joindre à nous. Et hier, on a fait des tests. Et là, on est sur la plateforme Vocal encore pour ce soir. Mais à partir de la semaine prochaine, on devrait être sur... je pense que c'est Livestream qu'on va utiliser. Ouais, donc, on va changer les codes sur macquebec.com. /podcast avec un S et on devrait être diffusé à partir de la semaine prochaine sur Livestream. On a trouvé un bon petit setup, ça fonctionne. Nos faces sont un petit peu plus grosses, tout ça. Puis il y a le chat là-bas, donc ça va être très bien. D'ailleurs je vais répéter, puis on diffuse quand même dans l'application pour ceux qui l'écoutent. Il y a déjà il y a 8 personnes qui nous écoutent dans l'application, puis 17 dans le chatroom. Wow. On est 25, c'est vraiment le fun ce soir. L'application qui diffuse. Normalement, je mets une petite musique de 5-10 minutes avant le show. Donc, vous savez qu'on est prêt à peu près à partir. Puis ensuite, je déconnecte, puis je reconnecte tout de suite parce qu'il faut que j'envoie le feed de Skype dans l'application. Mais une fois fait, vous pouvez vous reconnecter, puis tout va bien aller. Puis à partir de la semaine prochaine, je pense que c'est pas de la musique, c'est toi qui chante la Star Academy. De Star Academy, c'est ça? Oui, c'est ça. Je commence par 1000 cœurs debout. Ensuite, je vais probablement tourner vers une chanson de Wilfred Leboutier. Puis écoute, on doit trouver la dernière chanson, donc suggérez-nous. Fait que dans le chat, vous pouvez nous faire vos suggestions. C'est horrible, Vincent. Merci. Tu voulais nous parler des correctifs apportés à l'application? Y a-tu de quoi là-dessus de nouveau? Oui, mais en fait, l'application n'est pas encore acceptée, est en attente malheureusement. Mais il y avait une petite correction à faire, puis j'ai changé un petit peu le visuel aussi de la radio, le segment en direct. Donc en bas, le visuel est un peu plus intéressant. Puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a un petit problème avec le podcast en ce moment. Puis c'est pas notre faute pour une fois. L'analyse des geeks, pour ceux qui l'ont écouté, ont eu à peu près le même problème. Le feed qu'on envoie, nous, c'est un .xml pour l'envoyer dans iTunes. Dans le fond, iTunes, lui, tous les jours, il s'en va vérifier, faire un refresh pour aller vérifier si on a des nouveaux podcasts de mis dans ce feed-là. Malheureusement, quand le site de Macquebec est tombé pendant, on va dire, 2 jours, ça fonctionnait plus. Donc, probablement que Apple a essayé 2-3 fois d'aller vérifier, puis le site n'était plus là. Donc, ils ont probablement bloqué les barrières, je sais pas trop. Parce que là, j'ai mis le podcast du 16 dedans, puis il refuse d'aller chercher. Il apparaît pas. Exactement. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez aller voir dans l'application. Les feeds sont directement envoyés dedans. Donc, il y a une section Les amateurs de Mac Bonsoir, puis le podcast de Macquebec, que vous pouvez écouter si vous voulez sur l'application. Par contre, c'est ça, pour le podcast sur iTunes, on va essayer de contacter Apple. Si on est capable de changer ça, on va pouvoir régler ça, ou sinon on va être obligé de se partir un nouveau feed. Les stats seront pas bonnes? Malheureusement, probablement pas, mais on va garder le même feed, donc probablement que ça va continuer la même lignée sur Podtrack qu'on utilise, là, mais ouais. Bon, ben, on remercie beaucoup iWeb. On va passer au prochain segment. Je ne sais pas qui va nous dire là, si on a le droit de me dire ça. J'espère qu'ils ne sont pas hébergés par AirWeb. Sinon, on avait un concours, le concours Coop informatique de l'UQAM, qui nous avait offert une carte de 30$, meilleur investissement ever pour de la publicité. Ouais. Donc, on annonce les gagnants et en fait, après vérification, il s'avère qu'on a égalité. Donc, en fait, on a égalité parce qu'on a eu 2 participants. Je pense que j'ai dit plus souvent le nom de Coop informatique de l'UQAM qu'il y a de monde qui ont participé. Donc, il y a eu 2 participants. C'est Alexandre Morin et Jonathan Laberge. Et tous deux, en fait, avaient mis iTunes et iTunes U dans leur truc. Donc, je l'ai enlevé parce que... C'est-à-dire, j'en ai enlevé un. Parce que iTunes, on l'utilisait une fois. C'était comme iPod puis iMac. Les dérivés, on les faisait pas. On va communiquer avec eux pour leur poser une dernière question finale. Et c'est Jean-François qui a proposé la question. On va leur demander de nous donner leur date à laquelle iPad 3 sortirait, d'après eux. Et celui qui va être le plus proche de la date va se mériter la carte. Donc, on va envoyer ça. Non, mais ils vont être annoncés le 7 mars, mais mis en vente probablement pas le 7 mars. Non, ça va être à fin mars. Voilà. Donc, à ce moment-là, en fait, celui qui va être le plus près, l'année passée, c'est sorti le 25. Fait que, ça va être, j'imagine, autour de ça. Donc, si la personne dépasse, ce sera pas bon. Si la personne est un peu avant, ça va être bon. Puis c'est la plus près de la date qui va se mériter la carte de 30$. La parenthèse à Vincent. On est rendu là. Elle est déjà faite, la parenthèse. Ah, elle est déjà faite. Bon. Ouais, c'était pour le podcast. Bon. Ah. OK. On suit pas. Ouais, rigueur. T'apprennes pas à l'école à suivre un plan de... Non? Ils ont pas le temps, ils sont en grève. Hein? Ah oui, c'est vrai. Hein? Ils font plus ça, l'école, là. C'est vrai. C'est drôle. Et avant de commencer les réponses aux questions, on va parler, en fait, on le sait maintenant, Apple a annoncé officiellement qu'il allait avoir un événement le 7 mars. Moi, je suis pas certain que c'est pour l'iPad 3, je vois pas, ça a pas de rapport, je pense. Le carton d'invitation était pas clair non plus, donc non, c'était... pas se prononcer sur ça. D'après moi, c'était pour iTunes. Ouais, ben ou iCal, je pense. C'est ça qui montrait, en fait, sur un iPad, là. Fait que, tu sais, il y avait comme un doigt qui montrait. Fait que d'après moi, il va y avoir des gros changements au niveau d'iCal. Je pense que c'était écrit calendrier dessus, mais semble. C'est pas écrit calendrier ou calendar. Ça se peut. Ça se peut que ça allait changer de nom. C'est peut-être pour ça qu'ils... Qu'ils veulent faire un event. Ben peut-être. Peut-être, on verra. Ouais. Bon. Fait que, ben écoutez, nous autres, on est en train d'organiser ça. On va être là le 7 mars en direct. Pas à San Francisco, là. Pas à San Francisco, mais on va probablement avoir quelqu'un qui est à San Francisco qui va communiquer avec nous. Ça reste à confirmer, mais on va probablement avoir un contact là-bas. Fait que là, t'as parlé à Kim, puis elle veut m'envoyer là-bas. C'est ça que t'es en train de me dire? À confirmer, hein? Non, malheureusement, elle n'a pas... non, Kim veut pas encore t'envoyer là-bas. Puis on n'enverra pas les stagiaires à Kim non plus. Fait que M. Audet fait rester chez vous à Québec. Ah, il est là! Hey, salut Pascal! qu'on a rencontré au WAC, bonhomme très sympathique, by the way. Vous pouvez le suivre sur Twitter. C'est Audet_Pascal, tiens. Lui, il est allé à la manifestation, je pense. Oui, probablement, oui. Il s'est fait arrêter, il vient de sortir du poste de police d'ailleurs. C'est bon. Les yeux tout rouges tellement qu'ils ont eu de bombes fumigènes sur eux autres. Là. Bon, revenons à nos moutons, messieurs. Oui, oui, on a 20 minutes de partie. Hein? C'est pas grave. Moi, je me demandais si on allait être capable de faire le show. Tu sais. Moi, je pense qu'on n'a pas de problème. Là. Excellent, on remplira ça de niaiserie. Donc, première question cette semaine. Ça nous vient de M. Jacques Trépanier sur Mac Québec Entraide. En ouvrant la préférence de Safari 4.1.3 sur OS X 10.4.11, je n'obtiens que la fenêtre onglet et pas sécurité. Comment corriger? C'est habituellement le genre de bizarrerie qui en fait... C'est peut-être une ressource que Safari n'est pas capable d'aller chercher. Et c'est le genre de truc qui peut être réparé en faisant une réparation de permission, comme on vient de l'écrire dans le chat. Donc, moi, je me dirigerais vers le dossier utilitaire du dossier application. Puis ça, on semble le répéter, là, mais ça règle un paquet de problèmes, ces affaires-là. Quand un ordinateur plante puis qu'on était déjà en train d'utiliser des ressources... Les permissions sur ces fichiers-là, sur ces ressources-là changent. Puis quand on fait un repair permission, ben ça l'aide beaucoup habituellement. Donc, on pourrait faire la réparation de permissions. Il y a Jean-François aussi qui... T'avais une idée pour faire ça? Ben, ou aller rechercher Safari sur le site d'Apple et de réinstaller... Je ne sais pas si on peut le télécharger. Souvent, en bêta, on peut le faire, mais... Sur le site d'Apple, ben oui, ils sont là. Oui? OK. Oh, sinon, oui. En fait, à partir des CD de réinitialisation, on peut, avec un logiciel qui s'appelle Pacifist, on peut aller chercher les ressources dans les packages du CD d'initialisation. On peut aller chercher directement les fichiers d'installation. Donc ça peut être quelque chose d'autre, mais c'est une procédure un petit peu plus compliquée. Donc, commencez par réparer les permissions. Une fois que c'est fait, on redémarre l'ordinateur et puis on regarde si ça revient. Et puis, revenez-nous la semaine prochaine avec ça. C'est la posologie du docteur. Oui, je suis sur le site d'Apple, puis on peut tout retélécharger les versions de Safari, même ceux de Windows. Mais les dons, rajoute-les dans le document, comme ça on les mettra dans les notes de podcast. OK. C'est bon. Ensuite, tiens, on va aller prendre une... On a commencé quelque chose la semaine passée que je trouve assez intéressant, mais ça nous demande beaucoup plus de job. Et on a commencé à donner des applications en échange de questions. Donc, la semaine passée, on a donné Tweetbot et Screens. Et Screens, on a donné des versions Mac et des versions iPad. Puis je viens de me rendre compte que Screens version Mac, elle vaut 29,99. Je voulais qu'on écrive un article pour Mac Québec, puis elle est comme 29$. Oui, c'est ça, on a donné les deux applications. Parce que moi, j'avais pas catché, mais les deux gars qui ont posé la question, ils ont catché en maudit, eux autres. Puis c'est les deux premières applications qui ont été prises. Fait que là, on n'a plus pour l'essayer, tu sais. Là, je vais leur réécrire, puis je vais leur en demander d'autres. La prochaine fois qu'on aura des applications à 30$, on se servira en premier. Ouais, c'est une bonne idée, là. Bref, là, on a des applications cette semaine. On a deux applications. La première, c'est des codes pour... et la semaine passée, on a donné pour toutes les questions. Et là, on va faire comme un petit chapeau. On va mettre les noms des gens qui nous auront posé des questions. Et les questions commencent à rentrer bizarrement. On va mettre le nom des gens qui nous auront posé des questions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger à la fin du show deux ou trois noms, tout dépendant le nombre de questions qu'on a eues. Puis on va contacter ces gens-là pour leur remettre l'application. Cette semaine, on a deux excellentes applications. La première, c'est King Camera. Donc, King Camera, qui est d'une compagnie québécoise, c'est deux développeurs indépendants qui font cette application-là, qui n'a rien à envier à peu près toutes les autres applications de caméra du App Store. D'ailleurs, même pas celle de Photoshop. Voilà, mais c'est pas une application de caméra Photoshop. Non, mais Photoshop Express, là, je sais pas trop. Là, le... C'est pas une application de caméra, c'est une application de retouche de photos. Mais ce que je voulais dire, c'est c'est une application qui permet d'avoir un paquet de filtres et tout ça. Puis là, dans le chat, on va m'arrêter, on va dire « Hey, t'es bien épais, Cornelier, de donner des promo codes pour une application qui est gratuite. » C'est vrai, l'application est tout à fait gratuite, donc vous pouvez aller la chercher. Toutes les options sont ouvertes, sauf qu'il y a de la publicité dedans. Donc le code qu'on vous remet sert à vous débarrasser de cette publicité-là. Un code modeste qui vaut 99 sous, mais c'est quand même ça. Donc, c'est pour vous débarrasser de cette publicité-là qui vous brûle les yeux quand vous allez utiliser l'application. La deuxième application, c'est une de mes applications préférées sur iPad et sur... en fait, plus sur iPad que sur iPhone, c'est Goodreader. C'est une application, c'est une des premières applications que vous devriez télécharger sur votre iPhone ou iPad. C'est une des premières applications aussi qui est sortie sur le App Store qui permettait de lire des PDF de plus grosse dimension parce que sur les premiers téléphones, on chargeait un PDF un peu trop gros. Ça saturait la mémoire. Là. Le logiciel qui l'ouvrait était un peu dans le champ. ça saturait la mémoire puis ça plantait. Donc, si on voulait ouvrir des livres ou des trucs comme ça, c'était un peu compliqué. Mais avec Goodreader, il avait fait quelque chose pour mieux le gérer. Et c'est devenu une application vraiment très, très, très complète. Donc, il y a moyen, en fait, de synchroniser des dossiers entre Dropbox ou d'autres services en ligne, entre Dropbox et le Goodreader, puis d'avoir une espèce de Finder pour gérer vos fichiers texte, tout ça. Il y a possibilité maintenant de faire de l'annotation sur du PDF. C'est vraiment une très, très belle application. On me demande dans le chat, ça n'a pas servi à faire un jailbreak, ce leak de PDF, d'ailleurs. Peut-être, oui, je pense dans Safari, effectivement, là, c'est ce qu'ils utilisaient pour jailbreakme.com ou quelque chose comme ça dans les premiers temps. On demandera à Mreload quand on lui reparlera. Excellente application. Fait qu'on a, on a une quinzaine de King Camera, mais évidemment, là, on va les distiller pour les shows. On va s'assurer que vous reveniez au prochain show et que vous nous posiez des questions. Puis on va essayer comme ça, semaine après semaine, de trouver des promo codes à vous donner pour s'assurer de pouvoir faire une heure de show avec vos questions. Donc, on va y aller tout de suite avec la première question du public qui nous a été posée il y a 46 minutes. Alors que le show... Non, c'est pas celle, oui, c'est ça, c'est celle-là. C'est celle-là, oui. Je vais la lire. Quel est le meilleur moyen facile d'importer ses DVD dans iTunes pour l'iPad et ça légalement? Moi, il y en a juste un qui me vient en tête, c'est Handbrake. Il y a une nouvelle version aussi. Faut faire attention parce que théoriquement, je pense que la loi n'est pas la même ici, mais aux États-Unis, c'est légal de faire une copie de sauvegarde de son DVD. Ce qui est illégal, c'est de briser un DRM. Donc, un DVD, il y a un DRM à la base, puis Handbrake passe par-dessus là, à l'aide de VLC. Ouais, mais je suis sûr que Barnac 77 parlait que c'était vieux film de famille qui a tourné à la plage, puis il veut les mettre sur son iPad. Ah, voilà. Ça doit être ça. Donc voilà, on a parlé de Handbrake. Moi, j'en ai un autre qui était gratuit, mais il coûte de l'argent, là, mais il a été gratuit pendant une couple de jours. C'est quoi? Bougez pas, je vais vous trouver ça. C'est pas là. Vous pouvez faire du remplissage, continuer à parler un peu de Handbrake là, pendant que... Ah, ça s'appelle Eevee. Eevee. Donc, c'est un autre qui fait de la compression qui est quand même très bien. Là. Donc, c'est très long faire ce genre de compression-là. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher un produit parce que, comme on dit dans la question, c'est pour l'importer dans iTunes, pour l'avoir sur l'iPad. Donc, la manière d'accélérer tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le processeur de votre ordinateur, c'est un processeur généraliste. C'est-à-dire qu'il fait tout, mais que s'il était spécialisé dans quelque chose, un peu comme une carte vidéo, c'est un processeur qui est spécifique, qui est spécialisé dans la gérance de vidéo, ben on pourrait avoir des processeurs aussi qui font de la compression beaucoup plus rapidement. Et il y en a une qui se vend sur le marché, qui est la clé Turbo H264 HD. C'est le dernier modèle. C'est fait par la compagnie Elgato, le chat. Et mon espagnol n'est pas pire. Puis la compagnie Elgato fait aussi les ITV, là, les produits pour faire brancher votre télévision à votre ordinateur et enregistrer. Mais le Turbo H264 permet de compresser des vidéos beaucoup plus rapidement en H264. Donc, ça pourrait donner un coup de main. Si je ne me trompe pas, Handbrake utilise la clé Turbo H264, mais il faudrait vérifier. Là. Sinon, cette clé-là, elle doit être une centaine de dollars. Avez-vous vu aussi, il va y avoir un nouveau fichier de compression, le H265? C'est quoi ça? Ah non? Ouais, ça va être pour le 4K. D'ailleurs, j'ai acheté deux fils HDMI 1.4 qui supportent le 4K. Je suis bien content. Ah, t'es prête? Je suis prêt. Écoute, pour 8$, je suis prêt. manque juste la TV. Fun. La TV, mon ordinateur qui va gérer ça, l'Internet. Mais à part ça, tout va bien. Ouais, c'est excellent. Ça. Donc, c'était la première question. Cette semaine, on a une deuxième question. Est-ce que l'Apple TV aura un support App Store selon vous? Donc, oups! Oups! La pédale, il n'y a même pas le temps de l'avoir. Je voulais l'afficher, puis on l'a droppé. Donc, passé. Voilà. Est-ce que l'Apple TV aura un support Apple App Store? En fait, moi, j'ai bien l'impression, là, parce que déjà, on a parlé souvent, mais jamais au complet. Un Apple TV jailbreaké, on est capable d'installer des nouvelles applications dessus. Et il y a fort à parier, en fait, que si la rumeur se produit, qu'Apple sort un Apple TV 3, là, en même temps que l'iPad 3 ou que iCal, je ne sais pas combien, là, le 7 mars. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un support dedans. Là. J'imagine, en fait... Version 6. Version 6 de quoi? iCal, sûr. Ouais, c'est ça. je disais tantôt, quand j'ai dit calendrier, c'est parce que iCal, il est juste sur l'ordinateur, il n'est pas sur, le iPad puis l'iPhone. L'iPhone, c'est calendrier. Là. Je veux pas que le monde m'écrit des courriels. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça, oui, il devrait avoir un truc dedans. Il y a déjà des applications comme Tout.tv. Pas l'application du App Store, mais une application qui a été construite par quelqu'un qui peut se mettre dans le Apple TV et qui donne accès. C'est un peu béquille, là. C'est pas super, mais ça fonctionne bien, en tout cas pour écouter les émissions. C'est juste que bon, l'interface n'est pas très belle, tout ça, mais ça fonctionne. Donc, il risque d'avoir effectivement. Ouais, ben, aussi, d'après moi, ils vont ils vont augmenter aussi la mémoire là, de la Apple TV s'ils font ça. Là, parce que là, il faut dire que nos Apple TV deuxième génération ont qu'une puce de 8 gigs. Ben, c'est quand même impressionnant. Dans le sens où ça sert à quoi 8 gigs là-dedans, tu sais? J'en ai aucune espèce d'idée. Le système prend à peu près 500 MB. C'est ça, puis... Ben, d'après moi, c'est un buffer qui font que... Probablement, mais quand ils ont sorti la bébelle, ils n'ont jamais parlé qu'il y avait 8 gigs d'espace là-dedans. T'sais. Non, c'est quand que iFixit l'a ouvert. Voilà. Donc, puis c'est à partir de là qu'ils ont commencé à le jailbreaker et tout. Ouais, là, c'est un peu streaming HD. On s'entend que c'est... Ben, c'est du 720 compressé, mais ça donne quand même très bien pour quelque chose. Maintenant, est-ce que... Si on fait le tour un peu, là, puis peut-être que dans le chat, les gens peuvent nous écrire. Moi, je suis à 30 mégabits pour mon Internet. Jean-François, je pense que c'est ça que tu as aussi du TGV 30. Oui. Puis Vincent, toi, tu es à... TGV 15. Donc, vu qu'on tu sais, il y a un an, j'étais à 8 mégabits. Je suis comme trois fois plus rapide que ça. Donc, si Apple est en mesure d'offrir du 1080p, peut-être avec un nouvel appareil qui supporte le 1080p, ben probablement que ma connexion Internet serait capable de le supporter. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux puis que ça prend aussi beaucoup plus de bandes passantes, là, parce que juste en passant du 720 au 1080, il y a comme un coût en bande passante assez impressionnant mettons qu'on download Ubuntu en 1080p, ça fait à peu près 10 gigs du film. Parce que ça existe, c'est sûr, Ubuntu en 1080p. Ubuntu de movie. C'est sûr, ça existe. Voilà. Donc, oui, je pense qu'on peut dire que oui, c'est une des choses qu'ils vont implanter dans le Apple TV. Est-ce qu'ils vont vendre... parce que je pense que cette semaine, on a vu des codes sortir, des codes produits pour les différents iPads, là, comme le blanc, le noir, et un troisième code. J22, je pense. Il va être gris. Je sais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est s'il n'y a pas plusieurs codes, ça veut dire que s'il y a un nouveau Apple TV avec de la mémoire dedans, il va y avoir qu'un seul Apple TV que tu vas pouvoir acheter, c'est-à-dire probablement qu'ils vont le construire à peu près pareil, ils vont mettre la puce A5 X ou whatever à la place de la, je pense que c'est A4 qu'il y a dedans ce moment, c'est pas la A5. Non. Donc, ils mettraient la A5 ou la A5X ou la A6, là. Mais donc ils seraient plus rapides, mais ce serait à peu près la même boîte avec évidemment leur logiciel là, qui permettrait d'accéder au App Store et tout ça. Évidemment, pour Apple, là, rajouter un App Store qui aille des trucs comme BBC, qui aille des trucs comme Tout TV. Y a Sprint TV aussi qui est sorti cette semaine, puis qui permet d'écouter de la télévision un peu de n'importe quel poste, là, je pense. Donc, puis je pense que c'est gratuit, fait que vous pouvez peut-être aller voir ça, là, Sprint TV. Oui, il y aurait fort probablement des trucs là-dedans. Un App Store dans l'Apple TV, pardon. Ouais. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de changer ma petite boîte. Ouais, ça serait assez intéressant. Ouais, moi, je suis assez déçu. J'ai essayé aujourd'hui plusieurs fois de jouer des trucs, puis on dirait que ça sature. Dès que tu le sors, évidemment, du carcan de Apple, là, puis que tu veux y faire jouer d'autres choses, là, il plante assez souvent parce que ce que tu lui demandes de faire, ça utilise beaucoup des ressources de l'appareil, puis ça le fait planter. Fait que plusieurs fois, moi, je suis obligé de retourner dans des différents menus pour refaire la même manipulation. Puis là, oups, il veut pas rentrer dans le dossier, il veut, puis tout ça. C'est un petit peu fatigant. Puis l'interface qui est évidemment pas du tout faite pour XBMC là, qu'on peut installer là-dessus. Ouais. Ah, ça va être la semaine prochaine. Voilà. On a une autre question de M. Ducharme qui est très intéressante. Puis on avait un peu glissé un mot là, entre les branches, pas au dernier show, mais à l'autre d'avant. Est-ce que ce serait pensable qu'Apple fasse un peu comme Google TV avec une interface par-dessus la télé? J'avoue pas avoir regardé beaucoup des vidéos parlant de la Google TV parce que c'est un produit qui est sorti à peu près en même temps que le Apple TV, puis moi, j'y croyais pas. En fait, c'est-à-dire, j'y croyais pas. C'est pas quelque chose que j'aurais voulu mettre sur ma télévision nécessairement. Je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, mais ce que ça apportait, c'est-à-dire regarder du web sur ma télévision, je le sens pas vraiment. Donc, au CES, cette année, il y avait beaucoup de télé avec Google TV, puis aussi une caméra accrochée en haut pour justement une espèce d'interface, un genre de Kinect pour Google TV, il me semble. Puis, bof. OK. Tu te lèves le matin, tu passes devant ta TV. Tu veux avoir la météo. Tu veux avoir la météo. OK? Mettons, il y a un Kinect dedans. OK? Est-ce que tu serais capable de programmer, mettons, ouvre-toi et montre-moi la météo quand tu me vois me gratter mettons, tu sais, tu te grattes, puis tu passes, puis là, tu te grattes le ventre, montre la météo. Est-ce qu'on serait capable de programmer quelque chose comme ça? Alors là, ça pourrait marcher, mais fort probablement, si Apple sort un produit, évidemment, il va avoir Siri dedans. Et moi, je me demande si c'est possible. Est-ce que le câble HDMI est capable de faire un certain contrôle sur la télévision? En fait, on a un peu répondu à cette question-là parce que le Google TV le permet. Mais je pense que le Google TV te permet de brancher, en fait, ton câble en arrière. Ou je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est parce que, tu sais, quand c'était sur HDMI, Apple TV, ben c'est normal que tu aies l'image de Apple TV, mais quand tu retournes à ta télévision, le Apple TV, il ne contrôle plus ta TV. Puis c'est là le problème, là, avec... je voudrais que mon Apple TV contrôle ma télévision en lui parlant par Siri. Fait que est-ce qu'il va avoir un micro sur l'Apple TV ou va falloir passer par le téléphone? Parce que... On perd un peu de l'utilité, là, tu sais. Si tu as un contrôle de ta télévision par la voix, tu n'as plus besoin d'avoir de télécommande. Mais si tu as besoin de ton téléphone, oui, tu l'as tout le temps avec toi, sauf que, bon, sauf quand tu ne l'as pas, tu sais, ou sans, sauf quand il n'y a plus de batterie. Fait que c'est un petit peu fatigant de ce côté-là. Mais quelqu'un a fait une modif pour enregistrer ce qui entre dans Input HDMI, genre une app qui fait ça. Moi, je n'ai pas vu ça, là, mais on nous dit dans le chat que ça fonctionnerait in and out, là, la HDMI. Ça reste à voir. Fait que, on va voir ça la semaine prochaine. Sinon, on n'a plus de questions. Non, on en a dans... On a dans notre fichier, excusez. On a une question que sur le forum de Mac Québec de Alan Caben. Depuis iCloud, je ne reçois plus les courriels de toutes mes adresses. Je suis peut-être dans le champ, mais quand je suis inscrit à mon mi.com, je m'étais arrangé pour recevoir tous mes différents courriels dans ma boîte mi.com. J'ai donc désactivé mes autres courriels sur mail. Je viens à peine de réaliser que je ne recevais plus plusieurs courriels réguliers à mes autres adresses. Dois-je comprendre que iCloud n'offre pas ce service? Ou, si ce n'est pas le cas, comment dois-je faire pour recommencer à recevoir mes courriels à mes différentes adresses dans ma boîte mi.com? À ma connaissance, il me semble qu'il n'y avait pas de service de pool d'aller chercher avec mi.com. Donc, Google l'a fait, par exemple? Oui, voilà, Google a un service, on va y revenir. Donc, si on s'est arrangé pour envoyer ses courriers à mi.com et recevoir avec ça, c'est fort probablement qu'on a programmé un forward des courriels dans les autres boîtes. Donc, si tu avais un Vidéotron, si tu avais une adresse à l'UQAM ou, bon, pas à l'UQAM, ou à l'université, Hotmail, tu pouvais programmer un forward, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'eux recevaient une adresse, ils envoyaient une copie directement à une autre adresse. Donc, ça, c'est la première chose. Le fait que depuis iCloud, tu ne les reçoives plus, la question qu'il y a peut-être à se poser, c'est parce que beaucoup, beaucoup de gens ont fait l'erreur, là, mais un Apple ID puis un mi.com, ce n'est pas obligatoirement la même chose. Fait que si tu as programmé ton iCloud, puis que quand tu programmes ton iCloud, il te demande ton Apple ID. Mon Apple ID, à moi, c'est une adresse Gmail, alors que mon mi.com, ce n'est pas mon Apple ID, mais c'est ce que j'utilise pour les services de iCloud. Fait que ça peut être... Ça s'appelle un alias. Voilà. Donc, où est-ce que j'en suis avec ça? Donc, vérifie si ta programmation de iCloud a bien été faite avec le compte mi.com et non pas ton compte Apple ID qui serait une autre adresse. L'autre chose que tu peux faire, et vu que le concours est terminé, on peut le mentionner, tu peux aller sur iForgot, qui est un produit, qui est une iForgot.apple.com, si je ne me trompe pas, qui est un endroit pour... qui est une adresse web pour aller éditer, en fait, son compte Apple ID. iForget.apple.com, effectivement. Donc, ça aurait été bon dans le concours iForget. Comme iCEO, iTools et iReview, qui sont d'autres produits Apple qui ont porté le petit i. C'est une parenthèse. Donc, vérifiez en fait sur iForget.apple.com si votre Apple ID ou rentrez avec votre mi.com, regardez si tout est beau là-dedans. Donc, configuration de iCloud est faite avec le bon compte mi.com. Et puis sinon, ben, vérifiez avec vos autres adresses si vous y avez accès. Ces adresses-là ont encore le forward. Peut-être qu'eux ont fait une purge au cours des années, puis c'est ça qui l'a empêché, qui vous empêche de le recevoir. Sinon, il nous faudrait peut-être plus de détails, mais ce que je pourrais suggérer, et on l'a mentionné au début, c'est peut-être de faire un switch à gmail.com qui offre des services beaucoup plus puissants au niveau du email. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, les gars. Ben, le forward dans Gmail, il est très bon. Là. Mm-hmm. Je m'en suis servi avant. Là. C'est très rapide. Ouais, c'est comme instantané, là, genre. Là. C'est comme. Ça marche mieux que le fetch d'Apple, là, quand on programme, nous mettons comme un Vidéotron, qu'il n'y a pas de push notification encore. Ouais. Fonctionne très bien, là, ça lit tout de suite. Là, ça, je pense pas combien de temps que ça lit, là, mais tu n'as pas besoin de gosser là-dedans. Ça fonctionne très bien. Là. OK. Donc, ça répond à la question, mais si ce qu'on a donné comme information ne règle pas son problème, qu'ils reviennent nous voir, soit sur Mac Québec Entraide directement, ou est-ce que je pense qu'il y a des gens qui lui ont répondu, mais sinon, on se fera un plaisir d'aller lui répondre en texte. Mm-hmm. On a une autre question de notre ami Daniel. Mon MBA, puis là, on parle pas de management business, je sais pas quoi. Agreement. Son MacBook Air perd son Internet quand il revient du sleep mode. Il me demande sur quel réseau je veux me connecter. Ça. Si je me trompe pas, première chose à vérifier, il y a eu une mise à jour de 10.7.3 qui a été faite. Et qui a duré quelques heures. Cette mise à jour-là occasionnait des problèmes au niveau du Wi-Fi un petit peu. Donc, allez voir dans la pomme à propos de ce Mac, cliquez sur la version de l'OS que vous avez. Idéalement, il faudrait que ce soit 11D50B qui est dans la version de l'OS. Oui. Ou sinon, j'ai le même problème mais sur Snow Leopard. Puis, en fait, c'est au niveau des préférences Internet, donc du airport. Je sais pas c'est quoi la façon. T'as juste à appeler à Apple pour savoir exactement les trois documents qu'il faut que tu gardes dans toutes les préférences de airport. Ou sinon, t'effaces toutes les autres. Il va juste te donner les deux ou trois noms que tu gardes pour vraiment pas effacer. Ou sinon, tu pourras plus utiliser ton airport sans le reformater ou le réinstaller. Okay. Mais tu clean là-dedans, puis ça fonctionne comme neuf après. C'est vraiment un problème au niveau de tes préférences. Il y a eu quelque chose de corrompu ou peu importe. Puis tu peux effacer tout, sauf ces deux ou trois documents-là que j'ai pas notés, là, parce que on vient de recevoir la question. Mais de toute façon, il y a beaucoup de monde qui se plaint sur Internet que c'est pas, d'après moi, c'est un problème. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là, mais il y a beaucoup de monde qui se plaint que, comme mettons que l'ordinateur revient du sleep, ils ont pas la connexion Wi-Fi. Là, tu sais, c'est... Oui, c'est un problème que beaucoup de personnes parlent. C'est pas de 10.7, là, ça date d'avant. Là. Le iMac, un des derniers iMac avait ce problème-là, puis il y a eu une patch cette semaine. Pour le Wi-Fi de certains iMac. Je pense que c'est les derniers, mais moi, habituellement, quand mon ordinateur revient de sleep, il n'y a pas réellement de problème. Tu lui laisses quelques secondes, puis il est capable de se reconnecter, là, mais c'est une expérience personnelle. Puis je peux comprendre. Je pense que la solution de Vincent est la bonne, là, de téléphoner à Apple. Puis il doit avoir des préférences, quelque chose comme com.apple.airport ou ouais, Wi-Fi. Dans une librairie, je ne me rappelle plus l'étape que je faisais, là, mais il va avoir un .com, point, je ne sais pas trop. Puis il y a des affaires qu'il ne faut pas que tu effaces. Mais le reste des fichiers, après ça, tu les fasses. Dans le fond, tu fais juste suivre la démarche qu'Apple va te donner au téléphone. C'est très rapide. Tu n'es pas obligé de prendre un rendez-vous vers un Genius Bar. Puis tu fais juste effacer ces fichiers-là. Pardon. Puis tout fonctionne après ça comme neuf. Même pas obligé de faire un redémarrage de l'ordinateur. Ça fonctionne tout de suite après. Mais c'est ça qui est con. C'est que pour régler le problème, tu as qu'à redémarrer ton ordinateur puis ça fonctionne après. Mais à un moment donné, c'est aléatoire le problème. Je sais pas c'est quoi qu'ils font. Là, mais c'est vraiment... C'est, moi aussi, ça m'est arrivé une couple de fois sur mon... sur ma barouette, là. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment gossant, là. Ils retrouvent pas le réseau ou ils t'affichent aucun réseau des voisins, là. T'sais, c'est comme... Allô? T'sais, fait que... Mais c'est ça. plusieurs solutions. Là, comme, d'après moi aussi, c'est la meilleure, c'est celle de Vincent. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Bonjour. La prochaine question de Marteau sur Mac Québec Entraide. Et non l'unité Marteau. Ah non, c'est pas le. Ouais, c'est pas le. qui tape pas grand chose en fait. Ouais, c'est ça. Bonjour. Où je peux me procurer de la mémoire pour mon iMac 24 pouces et j'aimerais le faire formater aussi. Comme repartir à neuf. Je suis Laval, une bonne place où faut que j'aille au Apple Store du Carrefour Laval, mais ça doit être cher en boutique. En fait, non. En fait, la mémoire, dans un premier temps, chez Apple, ils la vendent effectivement très cher, sauf que la mémoire, en général, en ce moment, est vraiment pas chère. Donc, quand ils vont vous dire le prix chez Apple, vous risquez de faire « Ah oui, seulement ça ». Dites-vous qu'il y a moyen de la trouver encore moins chère que ça. Il y a une bonne place pour aller voir, c'est canadaram.com. On devrait les appeler pour qu'ils nous commanditent, eux autres. Parce qu'on mentionne leur nom, on mentionne leur nom souvent. On n'est pas supposé, oui. Oui. Donc, canadaram.com, où est-ce que vous pouvez la trouver, puis c'est super facile à chercher. Ils ont de la mémoire certifiée qui fonctionne, ils ont de la mémoire Kingston. Mm. Et la mémoire Kingston, là, je vais défaire un mythe aujourd'hui, là. Parce que tout le monde dit que la mémoire Kingston, c'est la meilleure à mettre dans un Mac. C'est faux. C'est pas la meilleure à mettre dans un Mac. C'est juste qu'à une période où Apple n'était pas fort au niveau des ventes, Kingston était les seuls à faire des SKU, c'est-à-dire des produits SKUés spécifiquement pour les ordinateurs Apple. Ce qui fait que tu ne pouvais pas te planter. Tu ne pouvais pas avoir de problèmes de clock, des problèmes de différents problèmes parce que tu commandais le mauvais morceau de mémoire. Donc, tu allais dire sur le site de Kingston, moi, c'était l'ordinateur que j'ai, il te sortait le morceau de mémoire que tu avais besoin. Puis quand tu le commandais, ça marchait. Puis c'était à peu près les seuls à faire ça. Maintenant, au fur et à mesure des années, les autres compagnies ont vu qu'il y avait un marché pour de la mémoire sur Apple et ont commencé à faire la même chose. Mais c'est pas vrai que la mémoire Kingston est meilleure pour un Mac que d'autres. C'est de la bonne mémoire, mais c'est pas à tout casser, c'est pas votre ordinateur va pas aller une couple de millième de seconde plus vite parce que vous avez de la Kingston. C'est un peu un frame. Vas-y, Jeff. Je viens de vérifier le site Canadaram et j'ai fait une recherche aussi sur tigerdirect.ca. Ouais. Est moins cher sur tigerdirect.ca. Oh! Ah ouais. C'est 36 $ pour 4 gigs de sodium à ta DDR3 pour les MacBook Pro. Mm-hmm. Et sur Canadaram, c'est 40 et 50 pour 4 gigs. Oh! Fait que okay. C'est quand même 5 $ de moins. Là, ça les livraisons sont-tu incluses, par exemple? Sur un des... Je ne sais pas. Peut-être, c'est peut-être ça la différence. Puis moi, quand je suis allé dans canadaram.com, je veux upgrader mon MacBook Pro milieu 2010. J'ai 4 gigs de RAM, pardon, puis je veux avoir 8 gigs. Ça me coûtait juste 65$, donc c'est vraiment pas cher. Là. À cette heure, là, c'est l'enfer, là, ça coûte rien. Là. C'est le temps de l'acheter. Là. Mais si vous voulez faire quelque chose pour votre ordinateur qui va vraiment lui donner un gros boost, la mémoire, c'est sûr que si vous ouvrez plusieurs applications en même temps, ça va aider. Mais si vous êtes juste dans Word, vous ne verrez pas de différence. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un SSD dans votre machine. C'est le jour et la nuit. Une fois que tu as goûté au SSD, tu ne veux pas retourner en arrière à d'autres choses. J'avais... là, je ne l'ai pas avec moi. Là, un petit peu... je l'ouvrais à peu, mais je mettrai un lien tantôt dans le chatroom puis dans les notes de l'émission où il y avait un super de bon deal de SSD. Puis normalement, là, quand c'est des bons deals, ils diminuent l'écriture dessus puis la lecture est très rapide là, comme un SSD normal. Mais le problème, faut surveiller avec ça, c'est que des fois, c'est juste 100 MB par seconde pour l'écriture puis l'upload, c'est un 400 mégabits par seconde. Ce que j'avais trouvé, c'était quasiment 300 pour 400. C'était vraiment assez rapide, puis c'était un très bon deal pour un SSD 256 GB. Je mettrai le lien tantôt. Je pense qu'ils sont encore en vente, mais peut-être qu'il n'en reste plus, là, tellement c'est un bon deal, mais ouais. Moi, habituellement, quand j'ai un numéro de modèle de quelque chose, que ce soit du SSD ou de la mémoire, je vais sur shopbot.ca, qui est une espèce de méta engin de recherche pour des pièces informatiques. Puis habituellement, là, on me donne les magasins où est-ce qu'ils sont les moins chers. Mm-hmm. Des fois, le site n'est pas totalement synchronisé avec les sites qui te proposent. Fait que fais-en une coupe, parce que des fois, quand tu arrives sur le site, soit que le prix a monté ou descendu, là, tu peux vérifier, mais ça, c'est un de mes petits trucs. Là. Shopbot.ca, c'est vraiment un bon site. Il y en a peut-être d'autres, là, des sites comme ça que je connais pas. Vous pouvez les mettre peut-être dans le chat. On est rendu à Racine Jus qui nous dit « Bonjour, j'ai besoin de votre aide. J'ai un MacBook qui tourne sous OS 10.5.8 avec un processeur 2.2 GHz Intel Core 2 Duo. Moi, je suggérerais peut-être de monter à un peu plus 10.6 au moins. C'est le OS qui vient de base avec. Ouais, voilà. C'est le même ordinateur que j'ai, fait que c'est celui-là qui venait avec. Mm-hmm. Il nous dit « Lorsque je travaille, à certains moments, l'écran devient noir et quand je bouge l'écran un petit peu, il revient correct. Quoi faire? » Moi, je l'enverrai au Genius parce que probablement que c'est le câble. C'est un problème qui semble plus hardware que d'autres choses, effectivement. Oui, d'après moi, parce que tu sais, quand on ferme l'écran, on rouvre l'écran, tu sais, des fois, ça peut le câble peut venir lousse du motherboard à l'écran. Fait que, des connexions, exactement. Fait que moi, j'enverrai ça au Genius. Puis, le faire vérifier par eux. Le faire vérifier. Ou si vous êtes game de l'ouvrir vous-même, là, mais attelez-vous parce qu'il y a de la vis en tabarnouche après ce modèle-là. Fait que. Il n'y a pas juste 4 vis. Là. Non, c'est ça. C'est, ouais, l'écran, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus tough aller dealer avec ça que de simplement ouvrir l'ordinateur pour aller mettre de la mémoire. Mm. Hey, by the way, avez-vous vu, j'ai posté une vidéo sur Twitter cette semaine. Quand le iPhone 4S a été annoncé ou le iPhone 5 s'en venait, il y a une gang qui ont fait, je me souviens plus de leur nom parce que c'est un petit peu bizarre, là, mais c'est une boîte qui font du design et ils ont fait un mock-up de iPhone 4S, là, le clavier laser, le projecteur, tout ça. Mm-hmm. Donc, ils ont fait un mock-up. C'est un concept et les gens, en fait, se passaient la vidéo, tout ça. Puis ils se disaient, tabarnouche, ça n'a pas d'allure. Il est vraiment cool, le nouveau iPhone, parce qu'ils pensaient que c'était un vrai vidéo. Et en fait, il y avait le iPhone, il était glace complète, là, comme l'écran. C'était tout l'appareil. Il n'y avait comme pas de bordure pour le retenir ou quoi que ce soit. Puis le mock-up était vraiment beau. C'était bien fait. C'était parfait. Et ils ont récidivé, en fait. Ils en ont fait un pour le prochain iPad. Puis honnêtement, en tout cas, ça donne vraiment envie qu'il soit comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le iPad. L'écran est au complet. Les coins ronds, tout le kit. Et dans le mock-up, c'est vraiment cool parce qu'ils en approchent un autre iPad, et quand ils l'approchent d'un side, d'un côté du premier iPad, il se colle par aimantation. Et quand il est collé, l'écran, ben, ça devient les deux iPads ensemble. Nice. Mm-hmm. Fait, t'sais, pis c'est seamless, c'est vraiment beau. Et là, à un moment donné, le gars, il fait une espèce de move à plein de doigts, puis là, il y a une espèce de projection holographique avec comme des manettes sur le côté pour jouer au football avec les bonhommes qui courent sur les deux iPads. Là, ça, c'est un peu trop, mais jusque-là, c'était vraiment intéressant. Puis si je me trompe pas, il faudrait qu'on réécoute les podcasts, mais si je me trompe pas, Apple a le brevet pour faire ça, c'est-à-dire pour utiliser... En fait, le brevet qu'ils ont, c'est pour des rétroprojecteurs qui inclurait dans les téléphones et que les téléphones se parleraient pour faire une image que tu projettes sur un mur, mais avec un, deux, trois ou quatre téléphones, tu sais. Fait que les téléphones se parleraient pour faire les ajustements puis tout ça, mais te ferais une image plus grosse avec les projos. Fait que c'est un peu le même concept, là, mais ça serait... en tout cas, la vidéo est... si vous tapez iPad 3 concept et... quand je l'ai posté sur Twitter, j'ai vraiment mis c'est un concept en gras parce que dans la translation ou dans le fait que c'est spiné, là, tu sais, que c'est envoyé à plusieurs personnes, souvent ce mot-là disparaît. Puis les gens qui sont pas, qui s'y connaissent pas, qui sont moins amateurs que nous, disons, se retrouvent à penser que c'est la vraie affaire. Puis là, ils capotent, ils font la ligne, puis là. Rendu au magasin, des millions, ils sont, vrai, sont comme déçus. Ouais, où est-ce qu'il est, le truc holographique? Puis le gars d'Apple, il est comme, non, désolé, il n'y a pas ça. Il y a 8 gigs de mémoire à la place de 4. Moi, ouais, c'est ça. fait que c'est ça pour la petite anecdote. On a une question qu'on va faire apparaître. L'avez-vous vu, by the way, cette vidéo-là? Non. Non. Je pensais que tu allais parler du mock-up, d'espèce de fusion entre l'iPhone et la souris d'Apple. Non, c'était pas très beau, ça. Hein? Non, c'était assez laid. Ah, c'était très laid, là. C'était urk. Pour le prochain iPhone 5, là, ils prétendent, en fait... ben, c'est-à-dire, le devant était beau parce que la vitre était curvée, mais le derrière, ça avait l'air comme d'une Mighty Mouse. Là, ouais, c'était bizarre. Là. C'est ouais. Ça, là. Tu sais, c'est comme ça, c'est le téléphone, ça, c'est le back. Là. Ouais. C'est comme... Bon, on a une question sur Message Beta. Donc, Message Beta, j'ouvre et tous les iMessage de la journée s'ouvrent pendant 5 minutes. Comment éviter ça? C'est une bonne question. Pourquoi s'ouvre pendant 5 minutes? Ah, OK. Donc, probablement que la personne, probablement que Martin utilise beaucoup, beaucoup iMessage pour dialoguer avec d'autres mondes, puis que la synchronisation, quand il ouvre Message Beta, prend un certain temps. Mm. Donc, en fait, pour éviter ça, ben, il faudrait simplement demander à Message de ne pas, en fait, dans les comptes, probablement enlever le compte iMessage qui s'installe avec les différentes adresses que vous avez, parce que c'est la seule raison pour laquelle vous recevez vos iMessage dans Message Beta. C'est parce que ce compte-là est là. Donc, soit que vous pouvez, quand vous allez dans les préférences de Message, quand vous allez dans la rubrique « Compte » et que vous sélectionnez votre compte iMessage, comme moi, c'est alexiscornelier@me.com, ben, il y a une petite case qui s'appelle « Enable this account ». Donc, si vous le décochez, ben, ça ne le fera plus. Sauf qu'en même temps, vous ne recevrez plus, il n'y aura plus de synchronisation. Le but de ça, c'est de pouvoir continuer les conversations que vous avez eues au départ sur votre téléphone, de pouvoir les continuer dans le logiciel de messagerie de Apple. L'intégration de tout ça n'est pas super encore. Là. C'est bêta, mais c'est comme... C'est bêta solide, puis ils ont juste dit, bon, ben quand tu ouvres ce logiciel-là, ça va ouvrir trois fenêtres ou deux fenêtres, puis il va y avoir un message, mais c'est pas clean là, comme intégration. C'est pas super. Là. Je reçois, moi, bien des commentaires là-dessus de monde qui sont pas très, très contents, mais on n'oublie pas que c'est un bêta. Donc, peut-être qu'Apple a encore le temps d'améliorer ça là, d'ici cet été. Ouais, puis moi, j'ai eu un problème. Le fait de taper du texte, puis on va dire sur mon iPhone, puis qu'il apparaisse, mais plus haut, dans un endroit différent. Ça m'est arrivé quand on partait le web à Québec ensemble, puis que vous me disiez quand vous alliez arriver. Là. Vous m'aviez dit, je pense, 19h quelque part, puis il apparaissait plus tôt dans les textes. C'était assez bizarre, mais... Ah oui? OK. Ouais, fait que, ouais. Des petits problèmes comme ça, mais sans bêta, c'est vrai. Là. C'est pas parfait, parfait. Donc, pour aujourd'hui, en fait, on va continuer à répondre aux questions. On a eu Barnac77, P du Charme, Oup77 et Martin Labbé qui nous ont posé des questions. Si dans le chat, vous pouviez mettre votre adresse email ou peut-être nous la faire parvenir via Twitter, on pourrait faire les petits papiers pour faire tirer les applications. Peut-être aussi nous envoyer votre choix d'application entre King Camera et Goodreader. Goodreader, on a deux iPads, deux iPhones, mais peut-être qu'on va garder les iPads pour autre chose. Donc, envoyez-nous votre choix et puis on vous recommunique ça. dès qu'on les a tirés. On pourrait utiliser peut-être la techno, parce que certains sites qui offrent, tu rentres certaines données ou certains items, puis automatiquement il fait un random, puis il trouve. On pourrait peut-être utiliser ça au lieu d'utiliser le bon vieux sac, vu qu'on est un podcast plus sur la techno. Effectivement, on va faire ça, puis on va pouvoir avoir un screenshot de quel. Puis nous, ça va nous permettre de ne pas perdre de temps à couper des papiers. Parce que c'est moi qui va comme être pogné à faire ça à la fin. Là. Je lis dans le chat, là, je pense pas que iMessage sur Mac utilise du push. Il se connecte simplement et load la liste. Parce que j'ai pas vu de UDID qui est utilisé pour le push notification, c'est vrai. D'ailleurs, le notification là, sur 10.7 à date, c'est pas le gros char. On est encore mieux avec Growl. Dernière question pour cette semaine. On est à combien de temps pour le podcast en ce moment? 1h07. Ah, pas pire. Puis on n'a pas trop de coupe. Fait qu'on va répondre à une dernière question. Et puis après ça, on va vous laisser pour la soirée. Bonjour, je me demandais si ça changeait quelque chose de ne pas éjecter son iPhone avant de le déconnecter. La réponse est non. Bonne soirée. Oui, c'est ça. À la prochaine. Non, effectivement, c'est pas trop grave en fait de ne pas éjecter le iPhone. Ils ont fait ce qu'il fallait pour ça parce qu'ils se rendaient compte qu'il allait avoir beaucoup de gens à qui répondre si ça scrapait l'index de l'appareil, de le déconnecter trop rapidement. Par contre, je vais juste faire une autre parenthèse. Oui. Par contre, faites attention, par exemple, pour les clés USB ou les disques durs, parce que sur Mac, contrairement à Windows ou à Linux, une autre parenthèse dans parenthèse, ceux qui ont un Windows aussi, arrêtez de cliquer en bas, parce que ça sert à rien, là, cliquer pour éjecter la clé. Windows, là, ils n'utilisent plus l'espèce de là, je reviens à ma première parenthèse. Normalement, quand tu fais l'ejects, parce que d'habitude, il y a une option qui est activée, normalement, qui est juste sur Mac. Maintenant, sur Windows, elle est désactivée par défaut. Où il y a un cache qui se fait de base avant de faire un transfert. Puis ça permet de faire un transfert plus rapide sur des disques durs ou sur des clés USB. OK. Sur Mac, c'est, de base, c'est par défaut. Je ne sais pas comment changer. Donc, si vous enlevez rapidement un disque dur ou une clé USB contenant des données peut-être, je sais pas, plus sensibles ou un backup peut-être, faites un eject. Parce que sur Windows, vous n'êtes plus obligé de le faire. Sur Linux aussi. Mais sur Mac, vous avez besoin de le faire parce que ça peut vraiment... Vous pouvez vraiment perdre des données. Donc, ce serait important de le faire. Puis... par contre, ce qui est pratique avec ça, donc il y a un inconvénient, mais il y a aussi un avantage, c'est que c'est un peu plus rapide que sur Windows ou sur Linux avec cette cache-là. Donc, ouais. Excellent. Ça met pas mal un terme à notre show cette semaine. Donc, on va avoir des trucs à faire d'ici le 7 mars, communiquer avec les gens qui nous ont posé des questions. Mm-hmm. Peut-être ajouter dans le document que Martin Labbé nous a posé une question aussi. Donc, on va tirer deux applications parmi les quatre personnes qui nous ont posé des questions. Et on va communiquer avec eux. Il y en a quatre, hein, seulement? Oui, il y en a quatre pour l'instant. Envoyez vos emails à concours@commercialmacquebec.com. Voilà. Et ça met un terme à l'émission. Donc, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFRoy1979, sur Facebook et le cimetière vivant Google+. Et toi, Vincent? On peut me retrouver sur Twitter à DEVVMiller ou sur mon site web à vmiller.ca, / français pour, pour ceux qui parlent français. De toute façon, si vous tapez anglais EN au lieu de français, ça l'envoie en français quand même parce que j'ai pas traduit la page. Donc c'est ça. Parfait. Pour ma part, by the way, c'est vrai ça. On m'écrit dans le chat que P. Ducharme fait partie de l'équipe de Mac Québec. Donc d'après les règlements, il peut pas participer. Écoute, les règlements, on les fait au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. C'est nous autres qui décident. Fait que, ouais, mais peut-être que quand on va tirer, si on tire M. Ducharme, effectivement, pour rester fair and square, on va peut-être passer par-dessus. Je pense même qu'il y en a eu un la semaine passée, en plus. Je suis pas dans la vraie équipe. Il n'y a pas de pas vraie équipe. Tu es dans l'équipe ou tu ne l'es pas, mais. Ouais, c'est ça. Tu es avec nous ou contre nous. Voilà. Donc, voilà, on regardera ça. Théoriquement, Oups aussi est un peu dans l'équipe parce qu'il nous a fait des applications et tout ça. Fait que, on verra. Finalement, personne ne va participer. Là. Ouais, voilà. Tout le monde est dans fait l'équipe. On garde tout ça. Okay. On garde les applications pour nous. Moi, on peut me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Voilà. Et sinon, si vous connaissez des gens, si votre mère arrête pas de vous appeler pour régler ses problèmes à Apple et que vous êtes tanné, ben donnez-lui l'adresse de Mac Québec. Comme ça, elle va pouvoir se payer nos services. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller là-bas pour l'aider avec ses appareils à Apple. Voilà. Faut dire une dernière chose avant de quitter. N'oubliez pas, mercredi, on va tweeter ça, moi et Alexis. On fait le event live du keynote d'Apple. Voilà. Fait qu'on est en train de vérifier ça. Fait qu'on va vous tenir au courant parce qu'on va faire ça live à 1h de l'après-midi. Ça va être dans l'application aussi. Oui. Ben Vincent, effectivement, va manifester cette journée-là probablement ou quelque chose comme ça. Non, je travaille cette journée-là. Ah, OK. Ah. Malheureusement. Et tu ne peux pas dire où. Donc, non, parce qu'on n'a pas de commandite encore. C'est ça, on va leur demander une commandite à bureau. À bureau quoi? Je sais pas. On va leur demander une commandite avant de nommer leur nom. Ouais. Donc, merci à tout le monde. Ça a été très agréable et on espère vous voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, il va y avoir un podcast Mac Québec et un amateur de Mac. Bonsoir. Ouais. Est-ce qu'il y a un feed live du keynote? J'espère que non, parce que ça va nous enlever notre raison d'être. Ils en font plus de ça. Ils en font plus officiellement, mais sinon, tout le monde dans la pièce avec Quick ou avec un autre logiciel stream directement là, sur les trucs. Mais ça fait quand même un bon nombre d'années qu'Apple ne fait plus de diffusion live. Mais là, on ne sait pas. Là, peut-être qu'avec Tim Cook, ça va avoir changé. Donc, ça reste à voir, mais... Des fois, il y a des live streams, des comptes live stream en chinois qui diffusent, puis ça dure pas très longtemps parce qu'ils tombent souvent sur 10 000 personnes live dessus. Oui, puis le serveur plante. L'autre chose, c'est que c'est pas une super bonne idée, en fait, d'encourager ça. C'est sûr qu'on veut tout voir la keynote, là, on le comprend. Puis pour ma part, en fait, j'en ai assez des photos de Engadget ou de The Verge ou de d'autres sites comme ça. Parce que ce que ça fait quand on fait des diffusions comme ça, ça sature la 3G de la place, ça sature le Wi-Fi de la place. Et à ce moment-là, s'ils ont des démos à faire avec du sans fil, on l'a déjà vu à un moment donné avec Steve qui essayait de faire une démo et ça passait absolument pas parce que... Il y avait trop de personnes connectées. Voilà. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée d'encourager ça puis de se prendre l'information. De toute façon, le soir, vers 6-7 heures après la journée où est-ce que la diffusion, l'événement est fait, Apple le met sur les internets, l'événement. Donc, voilà. Puis il le met en HD, fait que c'est pas mal. Ouais. Voilà. Fait que je vous dis salut, messieurs. Oui. Bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye.